me chérir. Sur la caisse, c'est le kick, j'tire la chérie. Tu vas crever comme un chien, à moins d'être éclairé. Sois réaliste, j'te abdique, ce soir que tout commence. Serait temps que tu paniques, sur le beat comme une armée qui avance. C'est ma putain de clique, j'te ferai la différence dans la bataille, mes années de pratique. Flagration de mes mots et te v'là souffler. Tu perds tes moyens quand tu captes que j'ai de couplets. Violence de l'échantillon qu'on a bouclé. Fais que tes jambes flagellent. Hier tu gazais, tu courais comme une gazelle. Maintenant t'es comme une mouche sans zèle. À ma merci et j't'écrase. J'empirais Bercy vers mes faces. J'ai rien à réassigner l'auditeur. De quelle façon j't'ai détruit. Je prête ta mise à mort sous les applaudissements et les cris. Ton style rap hardcore, tu détruis ton crew par la violence de mes écrits. D'ailleurs, vous ouvrez trop vos gueules, toi et toute ta clique. Je te plie en deux, te crie de gifle en feu. Marie brille sur la ligne, c'est dissident pieux. Ouais, t'éteins pas, c'est bien de l'antipathie. Même si t'es mon tripac, t'es Yanklid, j'ai rempli de trari sans mentir ta vie. Prends un départ, pas très face, comme Edard par hélas. De planter avec grâce ton corps et ta face. Eh ben ça y est, les mecs. La bouche, déjà tu saignes de gêne. Rien font mouche, la puissance est surhumaine. J'ai la peur dans tes yeux, tu peux invoquer tes dieux. N'importe quel stratège, battrai la retraite et quitterai les lieux. Ma ton triste cortège, et j'ai son tête empalée sur mes pieux. Des embuscades m'ont fait sourire. La pression que je t'impose est dure à soutenir. Pédale, à la fin du saut mort, ton pouce il ne sera plus qu'un souvenir. J'suis le cramé du bled, empiète, chantier, blesse quoi, les plus faibles. J'vois déjà que tu cèdes, t'es des mèches, on roule crap, t'es naté, t'es vrai, ton destin est scellé. Et cela quoi que tu plaides. J'acquiesce de mon annexe, mais n'annexe pas cette fessée qui sera pas de plus crête sur ton air, m'poyard. Mon regard, ça va, merde, les cadavres là, ta putain meurt soit, mais pas ta crève là-bas. On m'a de ça, note nous, j'te laisse les plaies. Fini la com, comme putain, ça m'ensemble. J'vais te sécher. Je crois qu'on passe un seul moment, eux ils vont être tous un peu nerveux. C'est ma vie. Et peut-être que t'as pas bien regardé le match, mais on vient de se faire torcher le cul, mec. Oui, je sais.